Les rassemblements de masse en faveur de la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ont eu lieu dans les villes et arrondissements coréens en présence des cadres, travailleurs, jeunes et étudiants des organismes du parti, du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes coopératives et des écoles locaux. À la suite de la lecture de la déclaration, il y a eu les interventions. Les orateurs ont soutenu entièrement la déclaration du gouvernement qui a proclamé solennellement de régler à 1000 fois les crimes scélérats américains commis à l'État et au peuple du pays. Ils ont condamné la résolution de sanctions contre notre pays comme dossier anti-humain sans précédent, propre seulement aux barbares américains qui se démènent insensément pour supprimer à tout prix le bastion socialiste sur cette planète. Ils ont exprimé la détermination d'opposer les représailles à la sanction, la guerre à mort pour la justice à la confrontation tant que les États-Unis ont lancé le défi général dans tous les secteurs politiques, économiques et militaires. Il y a eu ensuite les défilés des masses.